إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on a commencé la semaine passée le livre de Cheikh Bazmoul, Mohamed Bazmoul, hafizahullah. Et Cheikh Mohamed Bazmoul, c'est un docteur en sharia et en aqida, en tout cas de façon générale. Il enseigne à l'université de Umul Qura à Mecca. Et il est dans la kuliyatu da'wa wa usul al-din, qismu al-kitabi wa sunnah, c'est-à-dire la faculté de da'wa et des fondements de la religion, dans la section du yani Qur'an et de la sunnah. Il fait partie aussi des membres du comité de l'enseignement de l'université Umul Qura à Mecca. Donc la risala qu'on a commencé à lire de Cheikh Mohamed Bazmoul, c'est As-Salafiyatu wal-Khitabu al-Dini, le Salafiyya et le discours religieux. Et on a mentionné au dernier cours que qu'il y a beaucoup de critiques qui sont adressées contre la Salafiyya. Et on a expliqué qu'on allait donc lire les réponses, qu'est-ce que le cheikh a répondu à ces critiques. Puis, avant de commencer à répondre aux critiques, il y a trois points que le cheikh voulait clarifier. Donc, on a, au dernier cours, lu les deux premiers de ces trois points-là. Le premier point, c'est-à-dire que le fait qu'il y a des changements dans la religion, ça fait partie de la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Sauf que il a fait en sorte qu'il y ait toujours de la réforme. C'est-à-dire que lorsque des gens ramènent des choses, soit ils enlèvent des choses, ou bien soit ils essaient de rajouter des choses dans la religion, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y ait des ulama, il y ait des gens qui viennent pour corriger ce que des gens ont falsifié ou changé ou déformé de la religion. Et donc, ils viennent ramener l'islam à sa pureté. Et on a lu l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mentionné que à la tête de chaque siècle, il y allait avoir quelqu'un qui allait renouveler ou régénérer et réformer cette religion. Et donc on a expliqué que la signification de ce terme qu'on appelle en arabe at-tajdid, ça ne veut pas dire de changer la religion ou de réinterpréter la religion comme certains le prétendent, comme par exemple Tariq Ramadan ou des gens de ces tendances-là, Tariq Ramadan, Hassan al-Turabi et beaucoup d'autres parmi les innovateurs. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire changer la religion ou réinterpréter la religion pour qu'elle soit en accord avec l'Orient ou l'Occident veut entendre. Non. At-tajdid, ça veut dire de ramener la religion à son état pur, c'est-à-dire de corriger ce qui a été ajouté ou enlevé, ou qu'est-ce qui a été oublié et délaissé de la religion, on le ramène, qu'est-ce qui a été ajouté, on l'enlève, et ainsi de suite. Et ceux qui font ce travail-là, c'est les héritiers des prophètes. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les ulamas de l'islam sont les héritiers des prophètes. Donc on a clarifié ce premier point. Et le deuxième point, c'était أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الداء وأرشد إلى الدواء. C'est-à-dire qu'il a mentionné le problème, le malaise, et il a donné le remède. Il a expliqué qu'est-ce que c'est le remède à ce problème. Et il a mentionné à ce sujet-là le hadith à propos de إِذَا تَبَيَعْتُمْ بِالْعِينَ. On a mentionné ce hadith-là. On a mentionné aussi le hadith de Hudhayfa qui parle de la division de la Umma et ainsi de suite. Et on voit que dans tous ces hadiths, même le hadith des 73 sectes, il y a toujours la mention de du remède ou de la solution. Tout ça c'est toujours clarifié dans le hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il parle d'un problème dans la Umma ou quelque chose qui va se passer dans la Umma qui n'est pas correct, il mentionne toujours par la suite la solution, le remède à ce problème. Ça c'était le deuxième point. Maintenant aujourd'hui on va commencer avec Al-Amr al-Thalith. أن وظيفة الإنسان في هذا الكون هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. C'est-à-dire que la tâche et le rôle de l'homme dans cet univers, c'est quoi son rôle? C'est quoi la raison pour laquelle il existe? Le but de son existence, c'est d'établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être soumis et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'accomplir donc le but de son existence, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 56 dans sourate Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but pour lequel il nous a créé, c'est pour qu'on l'adore, et pour qu'on l'adore lui seul, qu'on n'adore rien d'autre en dehors de lui ou avec lui. Et donc ça doit être le but fondamental de notre existence. Il dit: وهذه العبودية تقوم على أصلين أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع. Le cheikh il explique que العبودية, donc cet asservissement ou cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration d'Allah, elle doit être basée sur deux fondements. Et ces deux fondements très très importants. Si tu fais une adoration quelconque, elle sera pas acceptée si tu n'as pas respecté ces deux fondements. Le premier fondement, c'est que tu dois adorer que Allah seul. Si tu adores d'autres que Allah ou d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ton adoration est batila. Et cette condition, on la résume souvent en disant al-ikhlas, le fait d'avoir la pureté dans notre adoration, c'est-à-dire que notre adoration est purement pour Allah seul, et deuxièmement, qu'elle est faite avec sincérité, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu n'as pas d'autre intention que d'adorer Allah, qui est de plaire à Allah, et non pas de plaire aux gens ou d'obtenir leur glorification ou leur compliment ou des choses comme ça. Ça, c'est le premier point, le premier fondement de l'adoration. Le deuxième fondement de l'adoration, c'est que tu l'adores uniquement selon ce qu'il a légiféré. C'est-à-dire que tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux, à ta propre façon, selon ton propre imagination, selon tes désirs. La seule façon par laquelle tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la façon que lui l'a légiféré. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui il a ordonné, comment tu dois l'adorer. Donc comment tu dois faire la salat, comment tu dois faire le zakat, comment tu dois faire le jeûne, comment tu dois faire le hajj, comment tu dois faire le dua, comment tu dois faire le dhikr, comment tu dois faire l'héritage, comment tu dois faire le mariage, comment tu dois faire le divorce, comment tu dois faire tous ces aspects-là, même comment tu dois faire le jihad. Si par exemple là c'est le moment du jihad, fisabilillah, tu dois savoir comment le faire. Parce que si tu ne sais pas comment le faire, tu vas faire n'importe quoi. Hein, tu vas tomber, tu vas finir comme les khawarij, tu vas faire du terrorisme, puis tu vas dire que c'est du djihad. Hein, et le djihad c'est une adoration. Donc si tu ne sais pas comment la faire selon les conditions d'Allah, ton djihad ne sera pas accepté. Tout ce que tu fais comme adoration, tu dois le faire comme Allah l'a légiféré. Si tu ne le fais pas comme Allah l'a légiféré, si tu ne le fais pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré, ton adoration est nulle. Et ça devient qu'est-ce qu'on appelle une bid'ah, une innovation. Hein, donc ton adoration, elle doit respecter ces deux fondements-là. Premièrement, elle doit être basée sur le tawhid et sur l'ikhlas. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, il doit être basé sur al-mutaba'a wa sunnah. Elle doit être basée sur le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunnah. Et C'est-à-dire, ça implique le fait de rejeter tout ce qui est innové ou inventé dans l'adoration ou dans la religion. Naam. Et la preuve de ces deux bases, c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ » Donc il dit « وَمُقْتَضَ ذَلِكَ أَنَّ اتَّبِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ وَلَا نَخْرُجُ عَنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » قال تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 dans sourate Al-Bayyina ce qui signifie: et ils n'ont pas été ordonnés que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte pur et exclusif, en s'écartant de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et en adorant que Allah seul, et en établissant la salat et en donnant la zakat. Voilà la religion de la droiture. Voilà la religion de la droiture. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit donc que ça implique qu'on doit absolument suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et ne jamais sortir de la voie ou du chemin des croyants. La preuve de ça, le verset 115 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager, et la voie des croyants. Et que celui qui fait scission avec le messager et fait scission de la et suit autre que la voie des croyants, il est menacé de l'enfer. Il est menacé de l'enfer. Et la chose à remarquer dans ce verset, c'est que la menace de l'enfer dans le verset est pas seulement due au fait de se séparer du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est aussi reliée au fait de suivre autre que la voie des croyants. Et dans le verset, la voie des croyants, yani, si tu demandes à quelqu'un qui sont les croyants à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il n'y avait pas d'autres croyants à l'époque du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam excepté les sahaba. Et donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala menace toute personne qui non seulement ferait scission du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps suivrait autre que la voie des sahaba, qu'il le brûle dans l'enfer s'il fait ça, s'il suit autre que leur voie. Ça veut dire que de suivre leur voie est une obligation. Et que si tu ne suis pas leur voie, tu es menacé de l'enfer. Et le verset, donc, si on le traduit, ça veut dire: et quiconque fait scission avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Donc suivre la voie des croyants, c'est une obligation, comme de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite: wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi dans Kitab al-Iman, et également par Ibn Battah dans Al-Ibanat al-Kubra et dans Al-Mustadrak de Al-Imam al-Hakim. Naam. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté de différentes façons et de différentes narrations, et les ulama, ils ont mentionné ces hadiths-là dans les livres de Aqida. Ok, et ça fait partie des bases pour comprendre la Aqida et le manhaj des salafs. Et il est authentique, ce hadith, et certaines narrations sont hassan, d'autres sont sahih, Hein? Et donc, le hadith en question, cette version-là, ça dit que c'est rapporté selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'est-ce qui est arrivé à Bani Israël, ça va arriver à ma umma. C'est-à-dire, ils vont les suivre pas à pas. Jusqu'à ce que si parmi eux, il y en avait qui avaient des rapports hein, avec leur mère, devant tout le monde, eh bien, il y en a dans cette umma qui vont faire la même chose que eux. Et donc, c'est pour dire à quel point certains vont les suivre dans l'égarement, il y en a de façon aveugle. Ils veulent faire exactement pareil comme eux, même dans les pires et les choses les plus laides. Et il dit que Bani Israël s'est divisé en 72 sectes, ou en 72 voies, et ma umma va se diviser en 73. Elles seront toutes en enfer excepté une. Ces 73 seront toutes en enfer excepté une. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, laquelle sera au paradis, sera pas en enfer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est moi, celui qui suis ce que je suis moi-même et mes compagnons. C'est-à-dire ce que je suis moi-même et mes compagnons. Donc, ça veut dire que si tu veux être sauvé et pas faire partie des 72 sectes qui vont être en enfer, bien tu dois faire hein, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comme ses sahaba. Si tu fais ça, tu ne vas pas aller en enfer, inshallah, tu vas être du nombre des gens du paradis. Sinon, tu vas être menacé de l'enfer. Est-ce que ça veut dire que les 72 sectes qui sont en enfer, est-ce qu'elles sont toutes en dehors de l'islam? Non. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en dehors de l'islam. Parmi ces 72 sectes, il peut y en avoir parmi elles qui sont en dehors de l'islam parce qu'elles ont contredit quelque chose qui a rapport avec les fondements du tawhid ou les fondements de la aqida. Et donc, par conséquent, ils ont commis un annulatif de l'islam. Soit ils sont tombés dans le shirk majeur ou dans le kufr majeur. Et donc, ils sont devenus kuffar. À cause de ça, ils sont en dehors de l'islam. Ceux-là, ils sont en enfer pour l'éternité, il n'y a pas de doute, puisqu'ils sont morts sur le shirk ou sur le kufr. Tandis qu'il y en a d'autres parmi les sectes d'égarement qui sont en enfer et qui vont en sortir tôt ou tard. Parce que quiconque a comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a le poids d'une graine de moutarde de foi, il sortira de l'enfer. Quiconque a le poids d'une atome de foi, il sortira de l'enfer. Donc, tant que la personne est morte sur le tawhid, même si sa foi était très très faible, tôt ou tard il va sortir de l'enfer. Et certaines des bid'ah, des gens de bid'ah et des groupes de bid'ah, leur kufr ou leur shirk ou leur bid'ah n'est pas kufriya, ou bien elle n'atteint pas le degré qui fait sortir de l'islam. N'empêche que dans ce hadith, on peut comprendre qu'ils sont sous la menace du châtiment. C'est possible que Allah leur fasse miséricorde et qu'il les pardonne et qu'il les fasse entrer au paradis. Mais n'empêche que c'est possible aussi que Allah subhanahu wa ta'ala les châtie et les mette dans l'enfer. Mais comme j'ai dit, tant qu'ils ont une graine de moutarde de foi dans leur cœur, tant qu'ils n'ont pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, eh bien, ils ne resteront pas en enfer pour l'éternité s'ils y rentrent. D'accord? Il faut bien comprendre ce point-là parce qu'il y en a qui pensent que quand on dit que 73 sectes, une seule qui va au paradis, les autres vont en enfer, ils pensent que toutes les 72 sont toutes en dehors de l'islam, dans le sens qu'elles vont toutes être dans l'enfer pour l'éternité, et ce n'est pas nécessairement le cas. Quand tu lis un verset ou un hadith qui parle de la menace d'Allah, il faut le comprendre selon la méthodologie de Ahl-Sunnati wal-Jama'ah. Les hadiths et les versets au sujet de la menace, il faut les comprendre selon une méthodologie. Et les ulama de Ahl-Sunnah, ils ont une méthodologie pour les comprendre. La même chose aussi pour les hadiths de la promesse. C'est pas comme les khawarij et les mu'tazila. S'ils lisent un hadith qui parle d'une menace, eux ils disent ça y est, c'est garanti que tu es en enfer si tu es dans cette menace-là. Alors que les gens d'Ahl Sunnah, leur méthodologie c'est pas ça. C'est bien important de comprendre ça. Cheikh dit wa qala Ibn Taymiyyah rahimahullah man fassara al-Qur'an was-Sunnah وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله وملحد في آيات الله محرف للكلمة عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه. Donc Cheikh al-Islam dans Majmou' al-Fatawa, volume 13 à la page 243, il dit que celui qui interprète le Coran ou le Hadith d'une façon qui est contraire à ce qui est connu chez les Sahaba et les Tabi'in, alors il a inventé un mensonge contre Allah. Et il a fait dévier le sens des signes et des versets d'Allah, et il a falsifié et déformé la parole de son sens et de son contexte, et il a ouvert la porte, et ça c'est une ouverture pour la porte de l'hérésie et de la déviation. Et c'est quelque chose qui est une fausseté connue et par nécessité de la religion de l'islam. Celui qui agit de cette façon, qu'est-ce qu'il fait? C'est connu que c'est faux par nécessité dans l'islam. Donc cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est une parole très forte et puissante aussi. Après il dit وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَعُودُ إِلَى مُنَاقَشَةِ الْأُمُورَ الَّتِي يَنْتَقِمُهَا خُصُومُ السَّلَفِيِّينَ عَلَيْهِمْ وَهِيَ التَّالِيَةِ. Donc une fois qu'on a compris ces trois principes qu'on vient de lire, les trois choses qu'on a voulu clarifier, maintenant on revient à notre discussion et à notre débat au sujet des choses que les opposants des salafis ramènent comme critiques, et des choses qu'ils blâment par rapport aux salafis. Et c'est les choses suivantes, et on les a énumérées déjà, il y en avait 10 choses qui sont reprochées aux salafis, mais on les énumère une par une, puis avec la réponse, qu'est-ce que le cheikh a répondu à chacune de ces choses-là. La première chose qui est mentionnée dans les reproches qu'ils font aux salafis, ils disent قولهم أنه خطاب متطرف عنيف إن يقتضي المخالف يقصي المخالف ولا يحاور. Il dit premièrement, leurs paroles à propos des salafis, c'est qu'ils disent que c'est un discours qui est extrémiste et violent et qui repousse l'opposant et qui ne dialogue pas. C'est-à-dire, ils disent, en voulant dire, vous, les salafis, vous n'avez pas d'ouverture, vous n'êtes pas ouverts au dialogue avec ceux qui vous opposent et ceux qui vous contredisent. Vous faites juste vouloir exclure les gens et les mettre à l'écart ou les éloigner. Et le cheikh, il répond à ça. Il dit أقول هذه التهمة ما دليلها ما حجة هؤلاء في زعمهم. Donc le cheikh il dit premièrement, cette accusation là, quelle est sa preuve? Et il dit quel est l'argument ou la preuve de ceux qui prétendent cela. Et là le cheikh il dit هذا القول بعيد كل البعد عن الواقع إذ كيف يكون الخطاب الديني المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح مبنيا على التطرف والعنف وإقصاء المخالف وترك الحوار أليس في القرآن والسنة دعوة إلى الحكمة والترفق أليس في الشريعة أو أليست الشريعة تقوم على الوسطية ألم يقم أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي بالتحذير من أهل التطرف والغلو ألم يقوموا هم أنفسهم بمهاجمة المتشددين ودعوتهم إلى الصراط المستقيم. Donc le cheikh il commence en posant quelques questions. Il dit cette parole elle est totalement éloignée de la réalité. Hakim, viens t'asseoir. Pourquoi tu restes là-bas, subhanallah? Il dit Naam. Donc le cheikh il dit cette parole, elle est tout à fait fausse. Elle est loin de la réalité. Il dit comment le discours religieux salafi, qui est basé sur le Coran, sur la Sunna, sur la compréhension des salafs salih, comment pourrait-il être basé sur la dureté, l'extrémisme, la violence, et le fait d'exclure ou de repousser l'opposant et de ne pas dialoguer? N'est-ce pas que le Coran et la Sunna appellent à la sagesse et à la douceur? Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des gens du livre: wala tujadilu yani wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ne débattez pas ou n'argumentez pas avec les gens du livre excepté par la meilleure manière. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. C'est-à-dire, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec la bonne exhortation, et argumente et discute avec eux de la meilleure façon. Donc ça, c'est mentionné dans le Coran. Est-ce que ça, c'est un appel qui est violent ou à la violence? Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande d'utiliser la sagesse, d'utiliser la bonne exhortation, d'utiliser la douceur. Alaysat al-shari'a taqoumu ala al-wasatiyya. N'est-ce pas que la sharia est établie sur le fait d'être sur le juste milieu et d'être équilibré dans la balance, de ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre, de ne pas être extrémiste ni laxiste, mais d'être équilibré et dans le juste milieu? N'est-ce pas que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, ceux qui suivent la méthodologie des salaf, mettent en garde contre les gens de l'extrémisme et de l'exagération dans la religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Iyakum wal ghulu fi ad-din. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'extrémisme et à l'exagération dans la religion, car ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, c'est uniquement l'extrémisme et l'exagération dans la religion. Donc ça veut dire que déjà l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné l'extrémisme et l'exagération. Il dit: n'est-ce pas que yani les salafis eux-mêmes, ceux qui suivent le Coran et la Sunna et selon la compréhension des salafs, n'est-ce pas que eux sont les premiers à opposer et à faire face aux extrémistes et à appeler au droit chemin? Donc le cheikh dit: at-tatarruf wal-unf 'inda al-mukhalifin lil-manhaj as-salafi al-kharijin 'an ittiba'i ma kana 'alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu. Donc il dit l'extrémisme et la violence, c'est chez les opposants au manhaj des salafs. Ceux qui sont sortis du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Le malheur aujourd'hui, c'est souvent qu'on accuse les salafis des actes ou des gestes posés par d'autres. Ou bien des gens qui s'attribuent ou qui prétendent ou qui s'affilient ouvertement comme étant salafis, mais qui ne représentent pas les salafis correctement, ou qui ne représentent pas la réalité de la salafie. Donc des fois des gens, des débutants dans la salafie, ou bien qu'ils commencent à apprendre un petit peu des choses sur la salafie, puis ils sont contents, excités d'avoir découvert la salafie, d'avoir découvert la compréhension des pieux prédécesseurs, des sahaba et des tabi'in. Ils sont heureux de ça, ils sont contents de ça. Puis, ils veulent faire du bien et ils pensent faire du bien. Et donc, ils vont par la suite essayer d'appeler les gens à cette voie, mais sans science, sans sagesse. Et donc, ils vont commettre des gestes où ils vont dire des choses, des paroles qui ne sont pas en accord avec la voie des salafs, et les gens vont par la suite accuser la salafia des gestes de ces individus-là, pensant que qu'est-ce qu'eux ils ont fait, c'est ça la salafia. Alors que la salafia, elle est innocente de qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas accuser les salafis ou bien plutôt accuser la salafie de ce que tous les salafis peuvent faire, ou tous ceux qui se prétendent ou se disent salafis, y en a peuvent faire. Parfois, certains d'entre eux agissent d'une manière parfois qui n'est pas nécessairement correcte. Ça, c'est un exemple aussi. Et il y a des exemples comme ça aussi un peu partout dans le monde. Donc le cheikh, il dit: « Wa amma man sara ala manhaj as-salaf fa innahu ba'idun kull al-bu'd 'an at-tatarruf wa at-tashaddud wa al-'unf. Il dit: celui qui suit réellement la méthodologie des salafs, il sera totalement éloigné de l'extrémisme, de la dureté excessive et de la violence également. Et il dit وَلِي أُورِدْ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمَنْهَجَ السَّلَفِ بَعِيدٌ عَنِ الْعُنْفِ وَالتَّطَرُّفِ وَتَرْكِ الْحِوَارِ يعني وهو حديث المناظرة ابن عباس رضي الله عنهما ومحاورته للخوارج. Donc là, le cheikh dit, pour vous montrer la preuve que la méthodologie des salafs, elle est loin de la violence, de l'extrémisme et du délaissement du dialogue, il dit, je vais vous mentionner maintenant le hadith au sujet du débat de Ibn Abbas avec les Khawarij, quand il est allé pour débattre avec eux et discuter avec eux. Donc ça, c'est une des grandes preuves comment les salafs, quand ils voulaient, par exemple, établir la preuve contre les innovateurs et contre les gens de bid'ah, eh bien, ils allaient leur parler, puis clarifier la vérité pour que ces gens-là puissent revenir. Bien entendu, c'est des savants qui étaient parmi les sahaba qui partaient dialoguer avec eux ou qui partaient discuter avec eux. Pas n'importe qui. À notre époque, parfois, actuellement, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que des jeunes qui n'ont pas étudié l'islam comme il faut, qui n'ont pas de connaissances suffisantes de l'islam et de la aqidah et du manhaj, qui partent aller débattre avec des gens sans être prêts et sans avoir les armes et les outils nécessaires, et puis ils vont débattre avec des gens sans avoir la connaissance nécessaire. Donc ils partent et ils se font souvent remplir d'ambiguïté par la suite, et ils finissent eux-mêmes parfois par s'égarer à cause de leur manque de science ou à dire des choses fausses à propos d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, à mentir à propos de l'islam parce qu'ils sont, ils n'ont pas la connaissance nécessaire. Et puis aussi, qu'est-ce qui arrive parfois, c'est qu'ils perdent la face dans leur débat et dans leurs argumentations, parce que les mubtadi'a sont très rusés, ils ont une réponse à tout, parce qu'ils ont toujours des shubuhat, et puis eux, ils ne savent pas comment répondre à ces shubuhat, alors ils finissent par se faire avoir et perdre la face devant les gens de l'égarement. Et c'est ça qui est malheureux. Donc le cheikh, il va citer cette histoire, et c'est une histoire qui est connue, hein, mais il y a beaucoup de gens parfois qui ne la connaissent pas, donc le fait de la mentionner, ça va est un rappel pour ceux qui la connaissent, et ça va être en même temps aussi une clarification et quelque chose qui va éclairer ceux qui ne l'ont jamais entendu. Donc voici l'histoire en question. Il dit عن عكرمة ابن عمار العجلي حدثنا أبو زميل سماك الحنفي حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم 6,000، يعني أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين، يعني أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال إني أخاف عليك، قلت كلا. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Bon, c'est la narration, c'est rapporté selon يعني des narrateurs, mais on va lire juste à partir de Abdullah ibn Abbas. Il dit que lorsque les Haruriyya, Haruriyya c'est qui? C'est les Khawarij. Pourquoi on les appelle des Haruriyya? Parce qu'ils se sont réunis dans une maison, dans un endroit qui s'appelle Haroura. Et donc, étant donné qu'ils se sont réunis à cet endroit qui s'appelle Haroura, on les a appelés Al-Haruriyya. Et il faut savoir que les Khawarij sont différents groupes et différentes sectes. C'est pas juste une seule secte de Khawarij. Il y a différentes sectes de Khawarij. Et il y en a qui s'appelaient Al-Haruriyya. Il y en a qui s'appelaient Al-Azariqa. Il y en a qui s'appelaient... il y a plusieurs noms comme ça. Si vous regardez dans les livres qui parlent des Al-Milal ou Al-Nihal et Al-Firaq, vous allez trouver dedans les explications qui mentionnent les différents noms à leur sujet. Donc il y a Al-Haruriyya et il y a d'autres, et même à notre époque il y a plusieurs groupes de Khawarij. Ils n'ont pas tous le même nom. Il y a Al-Qaïda, il y a Daesh, il y a Boko Haram, il y a Jabhat al-Nusra, et il y a Al-Ikhwan et beaucoup d'autres groupes. Tous ces groupes-là sont des différentes fractions, différentes voies, différentes tendances des Khawarij. Le Cheikh, il dit donc que Abdullah ibn Abbas, il a dit, lorsque les Haruriyas sont sortis, se sont réunis dans une maison, ou dans un endroit, ils étaient 6000. Il dit, je suis allé voir Ali, et j'ai dit à Ali, ô Amir al-Mu'minin, parce qu'à l'époque, c'était lui le Khalifa. Il dit, ô Amir al-Mu'minin, yani, prépare une monture pour moi, je vais aller visiter ces gens-là, je vais aller voir ces gens-là. Peut-être que, yani, je vais pouvoir parler avec eux. Alors, Ali radiallahu anhu, c'est son cousin. Hein? Ali, c'est le cousin d'Abdullah ibn Abbas. Parce que Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali, il est le fils de l'autre oncle du prophète qui s'appelait Abu Talib. Donc Abu Talib et Abbas sont deux frères. Et Ali, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc Abbas, Abdullah ibn Abbas, il dit à son cousin Ali, radiallahu anhu, qui était le khalifa à l'époque, je vais aller voir ces gens-là pour leur parler. Et Ali, radiallahu anhu, dit, j'ai peur pour toi si tu y vas. Il a dit, non, n'aie pas peur. Il dit, qala ibn Abbas, fa kharajtu ilayhim. Donc, Abdullah ibn Abbas, il dit, je suis sorti vers eux. Il dit, wa labistu ahsana ma yakunu min hulal al-Yaman. Il dit, j'ai porté les plus beaux vêtements que j'avais trouvés du Yémen. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qala Abu Zamil, kana ibn Abbas jamilan jahiran. Il dit, yani Abu Zamil, il dit, ibn Abbas, il était beau, une belle apparence et il parlait, il avait une belle voix. Donc il dit, qala ibn Abbas, fa ataytuhum wa hum mujtami'un fi darihim. Qailun. فسلمت عليهم فقال مرحبا بك يا ابن عباس فما هذه الحلة tu vois. Donc Abdullah ibn Abbas, il dit, je suis arrivé chez eux, ils étaient tous réunis dans la maison, ils faisaient la sieste. Alors j'ai donné salam, salam alaykum. Ils ont dit مرحبا بك يا ابن عباس, ils n'ont pas dit wa alaykum salam. C'est bizarre, hein? Ils ont juste dit marhaban bika ibn Abbas. Peut-être que comme c'est leur habitude, ils font le takfir, hein, des sahaba. Donc quand quelqu'un dit salam alaykoum, ils ne te répondent pas wa alaykoum salam. Ils disent marhaban ou d'autres choses pour éviter de te répondre le salam. Et la première chose qu'ils lui ont dit, c'est quoi? Ma hadi al-hul. C'est quoi ce beau vêtement que tu portes, hein? Comme si eux, ils aiment avoir des vêtements qui sont usés, qui sont pas raffinés, qui sont pas beaux. Ils aiment avoir des vêtements avec les genoux, avec des trous dedans, ou bien avec des patchs dessus pour montrer que ils font toujours la prière. Leurs vêtements, ils sont pas attachés à la dunya. Un peu comme les soufis, hein. Parce que les soufis, c'est des extrémistes comme les khawarij aussi. Donc, subhanallah. Il dit, première chose qu'ils disent, pourquoi tu portes ce beau vêtement là? Qu'est-ce qu'il a répondu à Abdullah ibn Abbas? Il dit, قال قلت ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Abbas? Il dit, pourquoi vous me blâmez ça de porter ça? Il dit, moi-même, j'ai vu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le messager d'Allah, parmi les plus beaux vêtements, hein, même plus beaux que celui-là. Et n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé dans le Coran, dans le verset 32, dans surat Al-A'raf, dit, qui a interdit les parures d'Allah qu'il a fait sortir pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, hein, les bonnes choses parmi les bonne subsistance que Allah a créée. Donc ça, c'est pour dire, comment vous pouvez interdire les parures, les beaux vêtements, les bonnes nourritures, hein? Ça, c'est pas, ça fait pas partie de la guidance du prophète. Après, ils ont dit quoi? Ils ont dit, قالوا فما جاء بك قلت فأتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. Qu'est-ce qu'il a répondu, Abdullah ibn, qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite? Ils ont dit, qu'est-ce qui t'a ramené? Qu'est-ce qui t'a ramené ici? Alors il a dit, je suis venu vers vous. Je suis venu vers vous de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des muhajirin et des ansar, pour vous transmettre ce qu'ils disent et pour leur transmettre ce que vous dites. Et il dit, c'est sur eux que le Coran a été révélé et ils connaissent mieux la révélation que vous. Et c'est parmi eux que la révélation est descendue, et il n'y a parmi vous aucun d'entre eux. C'est-à-dire, il y a parmi vous les Khawarij, aucun d'entre les Sahaba. C'était tous des nouveaux convertis, ou des jeunes, ou des bédouins, ou des gens qui n'avaient pas été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant. Donc des gens qui n'ont pas été témoins de la révélation comme les sahaba. Ils n'ont pas le ilm et la compréhension de l'islam que les sahaba possèdent. Donc il l'a dit, et ça c'est très important dans cette histoire, et c'est fondamental de le comprendre, il n'y a pas parmi eux des ulama. Il n'y a pas parmi eux des sahaba. Et ça c'est la caractéristique des khawarij jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'ulama parmi eux, même aujourd'hui. Peu importe que ce soit Al-Qaïda ou Daesh ou n'importe quel autre groupe, ils n'ont pas d'ulama parmi eux. Parce que déjà ils font le takfir des ulama. Et parce que les ulama les réfutent. Et eux ils refusent la vérité. Donc ils rejettent les ulama. Il dit, فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُخَاسِمُوا قُرَيْشًا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاسِمُونَ. Certains d'entre les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit? Débattez pas, disputez pas avec Quraysh, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet dans le verset 58 dans sourate Az-Zukhruf, mais ce sont un peuple disputeur. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset à propos des sahaba ou bien à propos des mushrikin? Hein? Eux ils prennent le verset à propos des mushrikin, ils veulent l'appliquer sur Abdullah ibn Abbas. Hein, en disant qu'il fait partie de Quraysh. C'est vrai qu'il fait partie de Quraysh, mais c'est un musulman. Hein? Et c'est un des plus savants de l'islam parmi les sahaba. Hibrul Umma, Turjuman al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour lui. Il a dit, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Il dit, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et fais-lui comprendre l'interprétation du Qur'an. Hein? C'est un des plus grands savants de l'islam. Alors, il dit ça à son sujet. Bal hum qawmun khasimun. Qala ibn Abbas, wa ataytu qawman lam ara qawman qad ashaddu ijtihadan minhum musahhamatan wujuhuhum min as-sahar ka'anna aydihim wa rukabihim tathna 'alayhim تثني عليهم فمضى من حضر فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول ولننظرن ما يقول قلت أخبروني بماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهره وصهره والمهاجرين والأنصار قالوا ثلاثا قلت ما هن. Donc, premièrement, Abdullah ibn Abbas, il décrit comment ils étaient. Il dit, j'ai jamais vu des gens aussi, il y en a des gens qui faisaient autant d'efforts dans l'adoration que eux. Aussi extrémistes dans l'adoration que eux. Il dit, leur front, hein, il y en a, tu voyais dans leur visage, il y en a la fatigue à cause du fait qu'ils restaient réveillés la nuit pour l'adoration, et leurs mains et leurs genoux faisaient leur éloge, tellement ils priaient. On voyait des marques sur leurs mains, sur leurs pieds, sur leurs genoux, du fait qu'il priait beaucoup. Hein. Donc, il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont restés. Ils ont dit, nous on va rester, on va parler avec eux, puis on va voir qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, Abdullah ibn Abbas a dit, informez-moi, qu'est-ce que vous, de quoi vous nous blâmez? Ou bien plutôt, de quoi vous blâmez le fils de l'oncle du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son cousin, ainsi que son beau-fils, parce qu'il a épousé la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, radiyallahu anha. De même que, qu'est-ce que vous reprochez aussi aux muhajirin et aux ansar? Ils ont dit trois choses. Alors, Abdullah ibn Abbas a dit, c'est quoi ces trois choses? Alors, il a dit, ils ont dit, qalu ihdahunna, amma ihdahunna, فإنه حكم الرجال في شرع الله وقال تعالى إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم فقلت هذه واحدة. Donc en premier il les a laissé énumérer leurs reproches. Il a dit il y a trois choses. La première, hein, c'est quoi? C'est que il a pris des hommes comme juges dans l'ordre d'Allah ou dans l'affaire d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 57 dans Surat Al-An'am, le jugement n'appartient qu'à Allah. Hein? Donc, qu'est-ce que les hommes ont à faire dans le jugement? Et comme vous pouvez constater aujourd'hui même, la plupart des khawarij et la plus grande shubha qu'ils utilisent pour faire le takfir, c'est toujours la question du jugement. Puisqu'ils disent toujours, les dirigeants n'appliquent pas la charia. Ou ne juge pas selon la charia, donc c'est des kuffars. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à l'époque des sahaba, encore une fois ils disent ça. Et même ils le disaient même à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin, hein, qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Muhammad, hein, Dhul Khuwaysira, le premier des khawarij, le père des khawarij, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuer le butin, il a donné du butin aux à des mouchriquins, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas musulmans. Il leur a donné du butin pour les attirer à accepter l'islam et raffermir leur islam. Alors lui, il a dit, il y a des gens qui sont musulmans depuis longtemps et qui méritent plus cet argent-là que eux. Donc il a dit ça, c'est une distribution, hein, qui n'est pas juste. Il a dit, ya Muhammad, i'adil, fa innaka lam ta'adil. Tu voulais dire quelque chose? Les khawarij, Dhul Khuwaysira. Dhul Khuwaysira. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et il a été décrit même dans le hadith, son apparence physique, comment il était, avec une barbe qui était fournie, un front proéminent, une marque de prosternation, des yeux creux. Tout ça, des choses qui indiquent quelqu'un qui est très dur dans l'adoration, qui a une apparence religieuse, hein, qui a une apparence sérieuse, sévère. Et pourtant, il voit le professeur Sam, il pense qu'il est plus juste que lui. Il dit, oh messager d'Allah, tu n'as pas été juste. Il n'a pas dit, oh messager d'Allah. Ça déjà, c'est un peu plus poli. Il a dit directement, oh Muhammad, sois juste, tu n'as pas été juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui connaît mieux la justice que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les autres qui sont venus après, la même chose, ils ont pensé qu'ils connaissaient mieux la justice que les sahaba. Et le jugement par la loi d'Allah, ils connaissent mieux le jugement par la loi d'Allah que Ali radiallahu anhu et les sahaba. Alors que on sait très bien, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné que Ali radiallahu anhu, c'est un des compagnons qui était le plus fort dans le jugement. Hein? Le jugement par la loi d'Allah. Donc comment lui, il vient puis il accuse Ali radiallahu anhu en disant il a pris des hommes dans le jugement d'Allah. Il a dit, ça c'est une. Abdullah ibn Abbas a dit, ok, ça fait une chose. C'est quoi l'autre? قالوا أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم فلا إن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنمتهم ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils ont dit, L'autre point qu'on lui reproche, c'est qu'il a combattu, mais il n'a pas pris d'esclaves ni de butin. Donc, ceux qu'il a combattus sont soit qui sont des koufars, et dans ce cas-là, on a le droit de les prendre comme prisonniers et esclaves, et de prendre également leur bien comme butin, ou que c'était des croyants qu'il a combattus. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de les combattre. Donc, c'est comme ça qu'il juge, tu vois. Soit il a combattu, il n'a pas pris de prisonnier. Donc, soit que c'est des koufars qu'il a combattu ou des musulmans. Mais si c'est des musulmans, pourquoi il les a combattus, puisqu'on n'a pas le droit de combattre des musulmans? Alors, il a dit, ça c'est la deuxième. C'est quoi la troisième? Abdullah ibn Abbas, il dit, c'est quoi la troisième? Alors, il dit, « Innahu maha nafsahu min amir al-mu'minin, fahuwa amir al-kafirin. » C'est-à-dire que il dit la troisième, c'est que il a enlevé de son nom le titre de Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Donc s'il n'est pas le prince des croyants, c'est-à-dire il est le prince des mécréants. Tu vois que c'est une logique un peu bizarre, hein? Mais c'est ça les Khawarij. C'est soit noir ou soit c'est blanc. Il n'y a pas de chemin. Ils ne comprennent pas. Les choses entre les deux, ils ne comprennent pas. Alors, Abdullah ibn Abbas, il a dit, عندكم سوى هذا, est-ce que vous avez d'autres choses à reprocher, autre que ces trois choses-là? قالوا حسبنا هذا. Et ça nous suffit. Si tu peux nous clarifier ça, c'est correct le reste. قلت لهم, أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا نعم. Abdullah ibn Abbas l'a dit, voyez-vous si je vous récite de la parole d'Allah, du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui réfute votre parole, est-ce que vous allez être satisfait? Ils ont dit oui. Alors il a commencé à leur répondre. Il dit, قلتوا أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمان ربع في ثمن ربع دينار أو في نعم في ثمن ربع دينار في أرنب ونحوها من الصيد فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم به ذوي عدل منكم نعم فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد يعني أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة أخرجت عن هذه قالوا نعم. Donc il a dit, en ce qui concerne votre première parole que vous dites qu'il a pris les hommes comme des juges dans la religion d'Allah, il dit, je vais vous lire des exemples dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala renvoie le jugement à des hommes. Il dit par exemple dans un quart de dirham par rapport au prix du lapin qui a été chassé pendant qu'on est en état d'ihram, ou bien par exemple des choses comme ça, parce que dans le Coran, si tu regardes dans Surat Al-Ma'idah le verset 95, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de chasser pendant qu'on est en état d'ihram. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. C'est-à-dire, oh les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Et il dit ensuite, wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelques bêtes de troupeau, semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il renvoie le jugement à deux personnes intègres pour savoir la valeur de ce qu'il a tué et par quoi il doit le remplacer. D'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à la destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation, ou en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Donc ça c'est un exemple dans lequel il prend pour juge des gens. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de prendre des hommes comme juges dans cette affaire-là. Il dit... Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Je vous demande par Allah. Qu'est-ce qui est plus important? De prendre des juges. Qu'on prenne des hommes comme juges pour un lapin qu'on a tué dans la chasse, ou bien dans des questions qui ont rapport avec le sang des hommes, et leur vie, et de même que de faire la réconciliation entre les gens. Qu'est-ce qui est le plus important des deux? N'est-ce pas que c'est le fait de préserver le sang des gens et de garder les bonnes relations entre eux? Et il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait jugé. Et il n'aurait pas pris de juge parmi les hommes dans cette question-là. Et également, dans un autre exemple qu'il a donné, c'est dans Sourate An-Nisa, le verset 35. Le verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de prendre, il dit si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre, un de sa famille à lui et un autre arbitre de sa famille à elle. Un juge de la famille de l'homme et un juge de la famille de la femme. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Donc c'est pour dire que même dans les questions de mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'il y ait des hommes pour juger entre eux dans ces questions-là. Qu'est-ce qui est plus important? De juger dans des questions de conflit dans le mariage ou dans des questions qui ont rapport avec la vie et la mort. Et donc c'est pour ça qu'il dit, il a mentionné des preuves. Il a dit, est-ce que je suis sorti de celle-là? C'est-à-dire ce point-là, est-ce que c'est réglé? Vous êtes d'accord? Ils ont dit, oui. Là, il a ramené le deuxième point. قال أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم فإن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما سرتم إليها سرتم إلى الضلال إلى ضلالة فنظر بعضهم إلى بعض قلت أخرجت من هذه قالوا نعم. Regarde comment il les a complètement bloqués. Il leur a dit, la deuxième point, vous dites qu'on a combattu des gens, on n'a pas pris des esclaves parmi eux. Eh bien, il dit, vous dites qu'il a combattu, il n'a pas pris d'esclave, il n'a pas pris de butin. Est-ce que vous voulez prendre comme esclave votre mère Aïcha, radiallahu anha, et vous voulez rendre licite d'elle ce qui est licite d'autre que elle? Parce que si vous dites ça, dans ce cas-là, vous êtes devenu mécréant. Parce que c'est votre mère. Mais si vous dites qu'elle n'est pas votre mère, vous êtes aussi mécréant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le verset 6, dans Surat Al-Ahzab, que ses épouses sont vos mères. Alors vous êtes en train de tourner entre deux égarements. Et peu importe laquelle des deux vous choisissez, vous êtes égarés. Vous tombez dans l'égarement. Et ils se sont regardés les uns les autres. Et il leur a dit, est-ce que je suis sorti de celle-là? Ils ont dit oui. C'est-à-dire oui. Ça, c'est clair aussi, on a compris. Alors il est revenu. Ils ont dit na'am, alors il a mentionné la troisième. C'est quoi la troisième? Il dit amma qawlukum ma hasmahu min amir al-mu'minin fa ana atikum biman tardawun ma ra'yukum qad sami'tum anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm al-hudaybiyyah كاتب سهل بن عمرو وابا سفيان بن حرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشركون لا والله ما نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la troisième point, ils ont dit, ah, tu as enlevé le titre de prince des croyants, Amir al-Mu'minin. Il dit, moi, vous dites qu'il a enlevé ça, donc ça veut dire qu'il est Amir al-Kafirin. Je vais vous montrer un exemple de celui que vous acceptez, vous êtes satisfait de lui. Qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, vous avez entendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Al-Hudaybiyyah, quand Sahl ibn Amr et Abu Sufyan ibn Harb étaient là, en train de discuter avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils allaient écrire l'entente de paix. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, écris ya Ali, voici ce sur quoi se sont mis d'accord Muhammad le messager d'Allah. Et les mushrikoun ont dit non par Allah, on ne sait pas que tu es le messager d'Allah. Si on savait que tu es le messager d'Allah, on ne t'aurait pas combattu. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, tu sais que je suis ton messager. Écris, oh Ali, voici ce sur quoi s'est mis d'accord Muhammad, le fils de Abdullah. Il dit, parce que par, et Abdullah ibn Abbas a dit, par Allah, je jure que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Ali. Et le fait d'avoir effacé son nom, Muhammad Rasulullah, ça ne l'a pas fait sortir de la prophétie, d'être un prophète. Alors il dit, قال Abdullah ibn Abbas, فرجع القوم من القوم الفان وقتل سائرهم على ضلالة. Il dit parmi, Abdullah ibn Abbas il dit, il y en a 2000 qui sont revenus avec moi. Les autres ont été tués dans l'égarement. Donc le Cheikh Mohamed Bazmoul, il dit, انظر كيف حاورهم وكيف ترفق بهم أينما يدعونه من إقصاء المخالف إن هذا النهج الذي صار عليه ابن عباس رضي الله عنهما هو نهج السلفيين في محاورتهم وترفقهم وعدم العنف والإقصاء للمخالف وتقديم النصيحة والمجادلة بهم هي أحسن بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق. Donc le cheikh il dit, regardez comment il a débattu, comment il a argumenté avec eux et dialogué avec eux, et regardez comment il a été doux avec eux. Et regardez également, yani, où est-ce qu'elle est cette prétendue dureté envers l'opposant, et le fait de les mettre à l'écart, hein, de ne pas vouloir dialoguer avec eux. Il dit, ça c'est la méthodologie que Abdullah ibn Abbas a suivie, et c'est la méthodologie et la voie des salafiyins dans leur façon de dialoguer et de discuter et de montrer de la douceur, et de ne pas être violent, et de ne pas repousser complètement l'opposant, et de lui donner la bonne nasiha, le bon conseil, et d'être sincère envers lui, et de discuter avec lui de la meilleure façon pour arriver à la vérité. Donc ça c'est un exemple qui montre, hein, la voie des salafs, comment ils étaient ouverts, comment ils allaient dialoguer, comment ils allaient établir la preuve, comment il parlait avec les innovateurs pour les ramener au droit chemin. Mais encore là, je mentionne, pour être plus clair, que ça c'est, ça c'est quelque chose qui est réservé aux ulama de Ahl-Sunnah. pas à n'importe qui parmi les jeunes qui commencent à étudier la voie des salafs ou apprendre la voie des salafs et qui n'ont pas encore une science assez ferme et assez complète pour être capable de débattre ou d'argumenter avec les innovateurs. Parce que yani, si celui qui agit comme ça s'en va vers les innovateurs pour argumenter avec eux alors qu'il n'a pas de science ou qu'il n'a pas suffisamment de science ou qu'il n'est pas yani, apte à le faire, eh bien il va ramener quelque chose de plus grave et de mauvais contre lui-même ou bien yani, contre l'islam d'une façon générale, comme j'ai mentionné au tout début. Et donc il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat, à moins que quelqu'un soit parmi les ulama ou parmi les gens qui sont aptes à le faire, parmi les tulab et l'ilm. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et puis on continuera la suite de la réponse aux différents points qui sont mentionnés au prochain cours, inshallah, demain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.